prière, Dalai Lama, Ayatollah Khomeini, chant d'Iran, interplanétaire, Wabelo Rango, Papa Najiglesh, Wabelo. Wabelo ya katolinga na bola tisanga pete na mosapie Na zanga ki sekre ya libala Ya lelo yo na komine ko ya desespoir Emilia Mayemba, Claude Kioso Yanga na yo bakoloba bakotikala na sonye Soki yo boinga Ngaywa yo na kokoka ko vivre Adeline Makiadi, Charlotte Wabelo, Jackie Chinja Wabelo rango shadira pona kananga olobini nye Tala e komiserie, plus grave, ezaka grave Rambo Sirop, Yves Mawanika, José Wanduka, Willy Makasu PDG Kumar Funtu, Lukumu Yabana Matete Isenga chamala eme yala Wabelo ya katolinga na ola tisanga pete na monsapie Na zanga kisekre ya libala Ya lelo yo na komineko ya desespoir Ino agora nzamale konzo ifu tingani Ya hana yo bakoloba bakotikala na sonye Soki obo inga Ngaywa yo na koko kako vivrete Iber Biomba, President Mundweri Vika Wabelo rambo shakira pona kananga olobini nye Tala e komiserie Plus grave, eza kadra Iget Kasongo, Albert Okoto Yo shakira Wabelo rambo nazo kukate Ko vivre sayo Yous Bolinda, Jacques Tezo, Adosson Bisson, Président Richard Koulambe, Bissolem appelé et l'autre femme par les gens stratèges. La cobera libre, ma ponaïo. Votre calarangiri guiri. Maître Chauden. La souaïa, ma pile, Shakira. Patrick Mosset. Innocent Jumbo, Anton Label, Bichou la Coda, Noël à des Bundes, Bidé Mundek, Tito Live, Papa n'a exaucé, Alain Salambi, Macha Ramazani, la bière de Play, Géant Géatas, London British, Kimoto Okitankoy, Frank Matimbu. Oh, Didier, Salam, Manchester, oh, Kiti, champion de ligue, Zulu. Oki Majondo, golf mbala. If Kiti, compressor, 2000, Envelembe. Alain Mandebo, Julien Wakanda, le gouverneur d'Irlande. Denis Fata, qui va fi amigo tchene. Gilva Simba, Starangilie. Samba Wapio, Odilon Swana. Ya Charles Fangundu, Mokila ya Antolo Kange. Mongo Mongo. Santana Mongo, Santana.